Leçon 5. Luc et Nathalie. Il est 7 heures. Monsieur et Madame Noblet sont dans la cuisine. Ils font le repas. Nathalie est dans la salle de séjour. Elle regarde la télévision. 7h15. Nathalie entre dans la cuisine. Elle a soif. Madame Noblet donne un verre à Nathalie. Nathalie, tu regardes trop la télé. Moi, je ne trouve pas. Tu aimes la télé, d'accord. Mais tu as des devoirs, non? Oui, j'ai des devoirs, comme toujours. Et tu ne travailles pas? Si, mais pas maintenant. Il y a les bidules à la télé. Elle crie. Et puis, Luc n'est pas là. Il est avec des copains. Monsieur ne travaille pas. Alors moi, je regarde la télé. Il est quelle heure, René? Il est 7h30. Et alors? Où est Luc? Tu as une idée? Non. 8h. Luc rentre. 8h pile. Salut, bonjour. J'ai faim. Puis, il demande à Nathalie. Comment ça va, Sœurette? Moi, ça va, merci. Nathalie crie. Ce n'est pas juste. Luc rentre à 8h. 8h30, 9h moins le quart. Et moi, je suis là, toujours là, avec vous. Ah non, alors, ce n'est pas juste. Mais Nathalie, tu n'as pas 14 ans. Et alors, j'ai 13 ans. Où est la différence ?